Quelle pierre ou quel cristaux correspondent à chacun de nos chakras? Le rôle de la guérison énergétique dans l'équilibre des chakras. Notre corps est composé de centres énergétiques complexes appelés chakras, qui jouent un rôle vital dans notre bien-être physique, émotionnel et spirituel. Ces chakras, issus d'anciennes traditions indiennes, sont considérés comme des roues d'énergie qui correspondent à différents aspects de notre être. La guérison énergétique, une pratique holistique, se concentre sur le rétablissement de l'équilibre et de l'harmonie de ces chakras, favorisant ainsi le bien-être général. Dans cet article, nous allons nous plonger dans les sept chakras majeurs, en explorant leur signification et les pierres et cristaux qui peuvent être utilisés pour les soutenir et les aligner. 1. Introduction aux chakras et aux soins énergétiques. Comprendre le concept des chakras. Bienvenue dans le monde fascinant des chakras. Ces centres énergétiques, situés le long de la colonne vertébrale, jouent un rôle crucial dans notre bien-être général. Considérez-les comme des tourbillons d'énergie, chacun correspondant à différents aspects de notre moi physique, émotionnel et spirituel. Le rôle de la guérison énergétique dans l'équilibrage des chakras. Lorsque nos chakras sont déséquilibrés ou bloqués, cela peut se manifester par des maux physiques ou émotionnels. Les techniques de guérison énergétique, telles que le Reiki ou la méditation, aident à rétablir l'harmonie et la circulation au sein de ces centres énergétiques. Et devinez quoi? Les pierres et les cristaux sont là pour donner un coup de main. 2. Comprendre les sept chakras du corps humain. Aperçu des sept chakras majeurs. Faisons un bref tour des sept chakras majeurs. De la base de la colonne vertébrale à la couronne de la tête, nous avons les chakras racines, sacrés, du plexus solaire, du cœur, de la gorge, du troisième œil et de la couronne. Chacun a sa signification unique et influence différents aspects de notre être. Emplacement et signification de chaque chakra. Le chakra racine nous enracine et assure la stabilité. Le chakra sacré enflamme la passion et la créativité. Le chakra du plexus solaire renforce notre sens de soi. Le chakra du cœur nourrit l'amour et la compassion. Le chakra de la gorge permet l'expression de soi, le chakra du troisième œil améliore l'intuition et le chakra de la couronne nous relie au divin. 3. Explorer le pouvoir de guérison des pierres et des cristaux. L'utilisation des pierres et des cristaux dans les soins énergétiques. Les pierres et les cristaux sont utilisés depuis des siècles comme de puissants outils pour guérir et équilibrer notre corps énergétique. Chacun de ceux-ci porte ses propres vibrations et propriétés uniques, qui peuvent aider à harmoniser nos chakras et à promouvoir le bien-être. Comment les pierres et les cristaux interagissent avec notre champ énergétique? Tout comme les diapasons, les pierres et les cristaux résonnent avec notre champ énergétique, influençant la fréquence et le flux de nos chakras. Ainsi, c'est en plaçant ces pierres précieuses ou en les portant comme des bijoux, que nous pouvons bénéficier de leur qualité énergétique et apporter un équilibre à nos chakras. 4. Chakra racine, pierres et cristaux pour l'enracinement et la stabilité. Caractéristiques et importance du chakra racine. Le chakra racine, situé à la base de la colonne vertébrale, est synonyme de stabilité, d'enracinement et de sentiment de sécurité. Il est comme la base solide sur laquelle nous construisons nos vies. Si ce chakra est en équilibre, nous nous sentons en sécurité et connectés au monde physique qui nous entoure. Pierres et cristaux recommandés pour équilibrer le chakra racine. Pour aider à rétablir l'équilibre de votre chakra racine, vous pouvez vous tourner vers des pierres et des cristaux tels que le jaspe rouge, l'hématite, le quartz fumé ou le grenat. Ces joyaux terrestres sont connus pour leurs propriétés d'enracinement et peuvent améliorer votre sentiment de stabilité et de sécurité. Ainsi, que vous soyez nouveau dans le monde des chakras ou un collectionneur passionné de cristaux, explorer le lien entre les pierres, les cristaux et nos chakras peut être un voyage fascinant de découverte de soi et de bien-être. Embrassez le pouvoir de ces magnifiques pierres précieuses et laissez l'énergie circuler. 5. Chakra sacré, pierre et cristaux pour la créativité et la passion. Caractéristiques et importance du chakra sacré. Le chakra sacré, situé dans le bas-ventre, concerne notre créativité, notre passion et notre sensualité. C'est comme le candidat vedette d'une émission de télé-réalité, cela apporte du drame et de l'excitation à nos vies. Ce chakra est chargé de nourrir nos idées créatives, d'embrasser nos émotions et d'alimenter nos désirs. Lorsque ce chakra est équilibré, nous ressentons une poussée d'inspiration et une joie de vivre. Pierre et cristaux recommandés pour équilibrer le chakra sacré. Pour remettre votre chakra sacré dans le jeu, vous pouvez faire appel à certaines pierres et cristaux. La cornaline, avec sa couleur orange vif, est comme un Red Bull pour votre créativité, vous donnant un regain d'énergie et d'enthousiasme. Une autre option fantastique est la calcite orange, qui rayonne de chaleur et de positivité, vous aidant à puiser dans votre muse intérieure. Et n'oublions pas la bonne cornaline à l'ancienne, qui enflammera vos passions et vous rappellera de privilégier l'amour propre et le plaisir. 6. Chakra du plexus solaire, pierre et cristaux pour le pouvoir personnel et la confiance. Caractéristiques et importance du chakra du plexus solaire. Imaginez votre chakra du plexus solaire comme le super-héros en vous, responsable de votre pouvoir personnel, de votre confiance et de votre identité. Situé juste au-dessus de votre nombril, ce chakra est comme votre propre mini-coach personnel, vous permettant de prendre votre vie en main et de faire confiance à vos capacités. Lorsque ce chakra est équilibré, vous rayonnez d'assurance et ressentez un fort sentiment d'utilité. Pierre et cristaux recommandés pour équilibrer le chakra du plexus solaire. Pour éveiller votre super-héros intérieur, tournez-vous vers les pierres et les cristaux qui résonnent avec le chakra du plexus solaire. La citrine jaune, avec sa disposition ensoleillée, est comme un supporteur énergétique pour votre confiance, renforçant votre estime de soi et vous encourageant à briller de mille feux. L'œil de tigre, avec ses teintes dorées, est un autre excellent choix, renforçant votre pouvoir personnel et vous aidant à faire des choix audacieux et décisifs. Et si vous avez besoin d'une dose supplémentaire de courage, prenez du jaspe jaune, connu pour sa capacité à instiller l'intrépidité et la détermination. 7. Chakra du cœur, pierre et cristaux pour l'amour et la guérison émotionnelle. Caractéristiques et importance du chakra du cœur. Ah, le chakra du cœur, le centre battant de l'amour et de la guérison émotionnelle. Niché au milieu de votre poitrine, ce chakra est comme votre propre Cupidon, répandant l'amour et la compassion partout où il va. Il est chargé de nourrir nos relations, de favoriser l'amour de soi et de nous aider à guérir les blessures émotionnelles. Si ce chakra est équilibré, l'amour coule librement et nous éprouvons des liens profonds avec les autres. Pierre et cristaux recommandés pour équilibrer le chakra du cœur. Pour garder votre chakra du cœur en parfait état, tournez-vous vers les pierres et les cristaux avec beaucoup de cœur. Le quartz rose, la pierre d'amour ultime, est comme un gros câlin douillet pour votre cœur, favorisant l'amour de soi et des relations harmonieuses. L'aventurine verte, avec son énergie apaisante, aide à guérir les blessures émotionnelles et à libérer les blessures du passé. Et n'oublions pas les propriétés nourrissantes de la rhodonite, qui encourage le pardon, la compassion et l'équilibre émotionnel. 8. Le chakra de la gorge, la mélodie de la communication authentique. Le chakra de la gorge, situé à la base de la gorge, est le maître de la communication et de l'expression personnelle. Comme un maestro dirigeant un orchestre, il nous invite à parler notre vérité, à exprimer nos pensées et nos émotions avec clarté et authenticité. Lorsque ce chakra est en équilibre, nous trouvons la confiance pour partager nos pensées et nos idées avec le monde. Les pierres et les cristaux qui résonnent avec le chakra de la gorge, comme la turquoise et l'aigle marine, peuvent renforcer notre capacité à communiquer avec éloquence et vérité. La turquoise, avec sa couleur apaisante, encourage l'expression honnête de soi et aide à libérer la peur de jugement. L'aigle marine, quant à elle, facilite la communication douce et calme, créant un espace pour que nos paroles reflètent notre véritable essence. 9. Le chakra du troisième œil, la porte de la perception intérieure. Imaginez le chakra du troisième œil comme une lentille qui offre une vision intérieure d'une profondeur sans fin. Niché entre vos sourcils, il est le siège de l'intuition, de la clairvoyance et de la sagesse intérieure. Lorsque ce chakra est en harmonie, il nous permet d'accéder à des niveaux plus profonds de conscience, d'explorer notre monde intérieur et de percevoir des vérités cachées. Pour équilibrer le chakra du troisième œil, des pierres et des cristaux tels que l'améthyste et la sodalite peuvent être vos alliés. L'améthyste, avec sa teinte violette apaisante, stimule l'ouverture de ce chakra, favorisant une connexion profonde avec notre intuition et nos connaissances intérieures. La sodalite, quant à elle, éveille la clairvoyance et facilite la communication avec notre propre sagesse intérieure, guidant nos choix et nos décisions. 10. Chakra de la couronne, pierre et cristaux pour la connexion spirituelle et l'illumination. Caractéristiques et importance du chakra de la couronne. Situé au sommet de votre tête, le chakra de la couronne est comme le vieux gourou sage de votre système énergétique. Il s'agit de connexion spirituelle, de sagesse divine et de dépassement des limites terrestres. Lorsque ce chakra est équilibré, vous êtes ouvert à des états de conscience plus élevés et ressentez un profond sentiment de paix et de clarté. C'est comme avoir votre propre maître zen personnel en vous. Pierre et cristaux recommandés pour rééquilibrer le chakra de la couronne. Pour puiser dans votre côté spirituel et libérer votre gourou intérieur, tournez-vous vers les pierres et les cristaux qui résonnent avec le chakra de la couronne. L'améthyste, avec sa teinte violette royale, est comme un raccourci vers l'illumination, vous aidant à transcender les soucis quotidiens et à vous connecter avec des domaines de conscience supérieurs. Le quartz clair, le maître guérisseur ultime, amplifie votre énergie spirituelle et élimine tout encombrement mental. Et n'oublions pas la sélénite, une pierre connue pour sa pureté et sa capacité à stimuler la croissance spirituelle et l'illumination. Comprendre le lien entre les pierres ou les cristaux et nos chakras ouvre un monde de possibilités pour la croissance personnelle et la guérison. En incorporant ces outils puissants dans nos pratiques de guérison énergétique, nous pouvons nourrir et équilibrer nos chakras, permettant à l'énergie de circuler librement dans tout notre corps. Que vous recherchiez l'enracinement, la créativité, le pouvoir personnel, l'amour ou la connexion spirituelle, il existe une pierre ou un cristal qui peut soutenir votre voyage. Alors embrassez la beauté et la sagesse de ces éléments naturels et libérez le potentiel de transformation et de bien-être en vous-même. Important. Comment activer des pierres ou cristaux pour qu'elles puissent agir sur nos chakras? L'activation des pierres ou des cristaux pour les utiliser sur vos chakras implique généralement plusieurs étapes. Voici un processus de base que vous pouvez suivre. Choisissez les cristaux appropriés. Sélectionnez des cristaux qui correspondent au chakra que vous souhaitez équilibrer ou activer. Par exemple, l'améthyste est souvent utilisée pour le chakra couronne, violet, tandis que le quartz rose peut être utilisé pour le chakra du cœur, vert ou rose. Nettoyez les cristaux. Avant de les utiliser, assurez-vous de nettoyer vos cristaux pour éliminer les énergies indésirables qu'ils pourraient avoir absorbées. Vous pouvez les rincer sous l'eau, les purifier avec de la sauge, ou les placer au soleil ou à la lueur de la lune pendant quelques heures. Trouvez un endroit calme. Choisissez un endroit calme où vous ne serez pas dérangé pour votre séance de méditation avec les cristaux. Méditation et intention. Asseyez-vous confortablement en position de méditation. Tenez les cristaux dans vos mains et fermez les yeux. Prenez quelques respirations profondes pour vous détendre. Visualisez l'énergie du cristal entrant en vous et équilibrant le chakra correspondant. Formulez une intention claire sur ce que vous souhaitez accomplir avec cette méditation, par exemple: j'équilibre mon chakra du cœur pour augmenter l'amour et la compassion envers moi-même et les autres. Placez les cristaux sur les chakras. Vous pouvez placer les cristaux directement sur les chakras que vous souhaitez équilibrer. Par exemple, si vous travaillez sur le chakra du cœur, placez le quartz rose sur votre poitrine. Méditez. Restez assis en méditation pendant au moins 15 à 20 minutes, en vous concentrant sur la sensation des cristaux et en visualisant l'énergie fluide à travers eux pour équilibrer vos chakras. Respectez le processus. Soyez patient et persévérant. L'effet des cristaux peut varier d'une personne à l'autre, et il peut falloir du temps pour ressentir les résultats. Nettoyez à nouveau. Après chaque utilisation, nettoyez à nouveau vos cristaux pour enlever toute énergie négative accumulée. En résumé et complément. 1. Mooladhara, chakra racine. Pierre rouge ou noire telle que l'agate rouge, l'obsidienne noire, la tourmaline noire ou la jaspe rouge. 2. Svadhisthana, chakra sacré. Pierre orange telle que la cornaline, la pierre de lune ou le grenat. 3. Manipura, chakra du plexus solaire. Pierre jaune telle que la citrine, l'ambre, le cristal de roche ou la pyrite. 4. Anahata, chakra du cœur. Pierre verte rose telle que l'aventurine verte, la malachite, la rhodonite, la rose quartz ou la kunzite rose. 5. Vishuddha, chakra de la gorge. Pierre bleu clair ou turquoise telle que l'aigle marine, la chalcédoine, la turquoise, ou la sodalite. 6. Ajna, chakra du troisième œil. Pierre indigo ou violette telle que l'améthyste, la fluorite violette, la lapis lazuli ou la sodalite. 7. Sahasrara, chakra de la couronne. Pierre violette ou blanche telle que l'améthyste, la sélénite, la calcite blanche ou le quartz clair. Chaque pierre ou cristal peut avoir des propriétés uniques, donc il est préférable de choisir celui qui résonne le mieux avec vous et votre énergie. Aussi, la pratique de la guérison énergétique en utilisant des pierres ou des cristaux doit être effectuée avec prudence, et ne doit jamais remplacer un traitement médical professionnel en cas de problème de santé. FAQ. 1. Comment choisir la bonne pierre ou le bon cristal pour un chakra spécifique? Choisir la bonne pierre ou le bon cristal pour un chakra spécifique implique de comprendre les caractéristiques et les attributs associés à ce chakra. Considérez les qualités que vous souhaitez améliorer ou équilibrer en vous et recherchez des pierres ou des cristaux qui correspondent à ces intentions. Faites confiance à votre intuition et sélectionnez des pierres qui résonnent énergiquement avec vous. 2. Puis-je utiliser plusieurs pierres ou cristaux pour un seul chakra? Absolument. L'utilisation de plusieurs pierres ou cristaux pour un seul chakra peut créer un effet synergique, amplifiant les propriétés curatives et l'énergie de ce chakra. Expérimentez différentes combinaisons et voyez ce qui vous convient le mieux. Faites confiance à votre intuition et laissez votre énergie vous guider dans le choix de la bonne combinaison de pierres. 3. Comment nettoyer et dynamiser mes pierres ou cristaux? Il existe différentes méthodes pour nettoyer et dynamiser vos pierres ou cristaux. Certaines techniques courantes consistent à les placer sous l'eau courante, à les enterrer dans la terre, à les maculer avec de la sauge ou du Palo Santo, ou à utiliser des vibrations sonores telles que des cloches ou des bols chantants. Choisissez une méthode qui résonne avec vous et n'oubliez pas de définir des intentions positives pendant le processus. 4. À quelle fréquence dois-je travailler avec des pierres ou des cristaux pour la guérison des chakras? La fréquence de travail avec des pierres ou des cristaux pour la guérison des chakras dépend de vos préférences et de vos besoins personnels. Certaines personnes peuvent choisir de travailler avec eux quotidiennement, tandis que d'autres peuvent les intégrer à leur pratique sur une base hebdomadaire ou mensuelle. Écoutez votre intuition et respectez ce qui vous convient. Évaluez régulièrement l'état de vos chakras et ajustez votre pratique en conséquence. Page 9, nous allons voir comment ouvrir nos chakras. Page 9.